Sera sans nous, même si le monde entier s'écroule autour de nous, il en restera toujours assez pour les fous. Ma génération fait l'amour en trop. Ma génération fait l'amour en trop. Ma génération fait l'amour en trop. Ma génération fait l'amour en trop. Même si soleil si spawn un jour fait jour clairé, même si la ligne ou bail ligne n'est pas décidée, pas bon kainou keni cette couleur l'arc-en-ciel, c'est ça qu'a fait journée moins ouverte, c'est vous seul.